Bonjour, bonsoir, mes chers amis. Oui, bonjour, les amis sur YouTube. Et bonsoir. Bonjour, bonsoir, les amis sur Facebook. Et bonjour, bonsoir pour les amis qui nous regardent de Channels. Ah, c'est toujours Monsieur Monsieur Yombi, les cuisiniers de l'UDPS. Et c'est un grand plaisir de vous revoir encore aujourd'hui. Et je pense que vous passez des bons moments, hein. Week-end Yamalamu, non pas week-end surtout, plutôt la journée Yamalamu, semaine Yamalamu. Toye, comme d'habitude, tomeka un peu ko sola muke pona mboka na biso. Chaque jour, bien, non pas chaque jour, chaque semaine, ce qui temps et permettre biso tozali koya toujours pour que to meka ko solo la tozali na monopole ya information te tozali na monopole ya kolobate mais le peu d'informations que nous avons tolingi à tout moment to yaka pour que to solo la ngona bino. Avant de commencer, parce qu'il y a toujours Facebook, voilà, excusez-moi. Nous sommes déconnectés hein, au niveau de YouTube. Naïbité, qu'est-ce qui s'est passé? Ou bien, mes beaux-frères, je suis technique, je suis au Katabiso live na YouTube. Désolé hein, pour les amis sur YouTube. J'ai demandé ce qui n'a fait ce beau son et Zamalamo. Et pour que tout continue. Je suis désolé pour ça. Bon, la liste continue. Hein. Toye, juste comme d'habitude, Nalobiango. Merci. Merci pour le like. Le like, na mité maibele, ba okatangote. On le dit souvent, na bandeko onyo so bazo landa biso. Si vous voulez qu'on continue, tolobaka. Ce qui est dans le live, boye, il faut que tu aies un like belé, comme ça, bah, wana, parce que quand on signale une vidéo, bah, tu as Facebook ou bien y a YouTube, bah, tu as la ka. Hein, bah, tu as un Kolanda, bah, tu as commenté, parce que quelque chose, bah, tu as un like, tu as un like. Alors, bango pe bah, tu as et ce qui est un like, tu as un like. En tout cas, interruption Rosalaté. Donc, interruption criminelle Rosalaté. Merci beaucoup. Merci, Majos. Merci. Et voilà donc. OK. N'a qu'à répéter moi information Oyo. Mbala et Bélé, au fur et à mesure que nos amis Bazo rejoindre Bissot. N'a pas répété information. Bon, le bateau qui est aux autres, c'est répété. Non, il faut la répéter pour que tout le monde soit là, il y a Kayango. Alors, Nazali, comme vous le savez, classe est bandit déjà. Mais pour Nabakour Nangaï, ça commence les 10. non, les 10, les 11, dans l'université Mibale, ya Corée, et puis dans l'Angambou, ya Merikuna, dans la semaine au Yekolanda. Alors, le Kolabakour est bandit, tant que vous avez la penza mingi mingi te, pour que tout soit la intensité moko régulière. Hein, tout bandeau sala tout pour que tout soit présent. À cause des COVID, vous voyez que Bakour, la plupart des universités, Bakour est allé en ligne. Na ligne, dengi na vandi boye, bako se passe na ligne. Alors, tu es comme remarqué que moi, tant pis, que vous allez mingi, tu es comme ici quelque part. Na yebi pourquoi je vous l'ai dit? Tu es comme ici quelque part, na batan libre au lieu de se déplacer au Kenya na université, ou bien aux avions, au Kenya, na ngambo ya Amérique, ou bien Corée, Bakour n'est comme une ligne, tant ils allaient moins mingi. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? À part battant la biche à recherche, na Bakour, Tomekiko s'inscrire na université, Songolo Pakala, en Amérique, pour que tu joues une formation na droit. Vous le savez que cuisinier na bino, formation na les allées sciences politiques. Je me suis spécialisé dans la force migrant, donc le migrant forcé, le réfugié, ma patrie, tout ça. Et, mais j'ai jugé bon que n'a comblé moi ma vie de moussoussou, na ma formation y a droit. Nazaline a besoin y a encore ma juriste de formation, donc na sa la carrière d'un avocat ou bien quoi que ce soit, et Nazan a besoin de connaissances. Et pour la conception, même si Nartikali a une année à Kokoufa, à peut-être à 90 ou bien 100 ans, ce qui Nazan a tant à Kotanga. Donc c'est ça ma conception. Alors, Tokomi ici, c'est ce qu'on appelle jurisprudence, pardon, jurisdoctor. Donc, Ezali. Formation à juriste docteur. Je ne sais pas en français comment on appelle ça. Et il y a de ces universités où il y a formation, il y a droit. Et ça, la cas normal, il y a juriste, il y a un département, une université, hormis, la carte département, il y a droit, hormis, cours, il y a droit, il y a une appellation au Babengaka juriste docteur. Alors, juriste docteur, en réalité, Azali docteur n'a droité. Même si Babengi en gros juriste docteur, mais Azali doctorat n'a droité. Azali, ce que aussi ici, Azali juste un avocat, un bariste, voilà, n'a niveau, y a licence, voilà. Donc, ce que aussi ici, vous allez considérer dans la bichon à Congo, que vous allez licencier dans le droit. Alors, bah, programme nous sommes mingi anglophone, bah, ben, ango, juriste docteur, voilà, titre, nango, pe diplôme, bah, vous allez au monde pas commis, juriste docteur. Mais, au fait, vous allez docteur dans le droit. Mande ko mingi ba zwa ka formation oyo surtout ba africain ba kosaka ba africain mingi ke nazali docteur na droit parce que er ba mon diplôme ba komi juris docteur ke ozali docteur na droit non ozali docteur na droit te ozali licencié na droit alors voilà donc na yebi bien bien te ce qui ezali ko cadre mon programme na biso ezali maîtrise na droit ou licencié na droit donc Bandeko oyo bazwa formation ana ba rectifier ngai mais au fait aux alli au niveau il y a licencié ou bien il y a maîtrise na droit alors nous avons choisi les droits constitutionnels to mekako chama ba connaissance na katikuna et to kende moi rapidement parce que ba prérequis et amingité. C'est-à-dire qu'il y a de certains cours de droit que Nazoa, Nazoa, Nazoa, dans l'université, nous sommes dans l'ECA, hormis il y a na Congo université oyo eza université place na tangisa eza université mususu na pays mususu mais en Amérique alors ba ebisinga on considère ba cours mususu oyo ozwa déjà hormis ba cours ozwa na université ya Congo le Congo il y a un peu ba problème moi Alors, donc, après qui, tu as un parcours militaire après de qui, par semaine, tu as peut-être trois cours, et tu as moins rapidement, donc, tu colles bongo. Alors, pourquoi dans le lobby, excusez-moi, dans le lobby, pourquoi? Parce que cette université m'a envoyé la liste de mes collègues. Il y a des étudiants qui s'inscrivent déjà. Dans la liste, je remarquais qu'il y a aussi un bon nombre d'Africains, 16 ou bien 17. Par des noms, je peux comprendre que c'est un Africain. Mais ce qui m'a intéressé beaucoup plus, c'est qu'il y a Chimanga. J'ai vu un certain Chimanga, j'ai vu un certain Bilomba. Alors, je me suis dit, pardon. Nayebi, t'es ce qui bandeko oyo bazali ba africain Tanzanie ou bien bazali ba africain ya Sénégal ou bien bazali ba africain ya Congo. Mais ce qui bazali ba africain Congo, nayebi t'es ce qui bazali ba Milvor. Alors, ce qui bazali ba Milvor, vous savez, ba Milvor ne bazo travailler pour ko détruire batou, ko dénigrer batou. Alors, ces étudiants-là, bakoyiko monanga na kati ya liste kuna e bakopesa yango na direction kuna ya kamwanga Air Force boko mona ba yako publier ah mutu na bina no baza professeur te nzoka ndia za la étudiant vous comprenez donc yako to lobby non il faut to lobby la yango pour que bandeko oyo qui se donne la peine yako défendre biso ce qui ba moni quelque chose comme ça Bah, déjà qui est Nassina Lobela Kiyango. Donc, ça n'empêche pas un professeur à Zalapé étudiant dans le domaine Moussous à Tanga, à Kolissa Bongonaï. Donc, Yango n'a informé Yango. Donc, ma collègue de classe. Wana. Non, Ezali Vidi et Chimangate. Cette Chimanga, Azali étudiante. Chimanga, Azali étudiante. N'a évité soit Azali, moi, n'a Chimanga, n'a évité. Mais vous savez, chez nous, 2000 vols, ma combo na bangwe, Zalaka, presque ndenge moko. Voilà. Donc, c'est ça l'information que Nalinga qui n'a passé. Mais n'a pas de Roland de Lango, Kozong et Lango, parce que ma mi, on va se rejoindre, bisous pour ma comprendre. Voilà. Et, Tokota, peut-être, Nali Solo, mon coussé pour Nalelo. Ezali que na publié na Facebook comme bon moni titre na YouTube tokomi Congo Azali na président tribaliste et inconscient et tokolembate likambo ya tribalisme parce que likambo ya tribalisme Ezali mabe ça détruit les sociétés. Alors dès que vous voyez des semences ya tribalisme hein, il faut que télémélé yango. Alors, c'est que nous remarquons que chez nous au Congo, dénoncer le tribalisme, ils allaient qu'au faire passer comme tribaliste. Donc, et là qu'on a bien sûr comprendre, nous nous sommes avertis de comprendre que ils allaient arguments na bango pour que bah décourager yo olubela makambo anatei. Donc, pour na battre au baso supporter Félix, ceux qui ont dénoncé le tribalisme, il y a Félix. Bango sikoyo bazo ko akize yo comme tribaliste pour elengisa yo soki ozali tribaliste. Qu'est-ce que signifie tribalisme? Moto nini bakoki ko benga tribaliste. Mais pour na biso ba tozali averti, nous comprenons qu'est-ce que signifie le tribalisme, okoki ko ya ko bouger biso te pour que to banga a tellement na soki ba akize nga tribaliste za mabe. Non. Il faut qu'on dénonce tribalisme oyo. Alors, j'ai publié liste yaba ethnie na Congo na biso ba ethnie na Congo na biso ezali 256 78, ba français ba bengi 278 ethnies na Congo. Na liste ce que moni na page na Facebook, vous allez voir que na carte qu'on a publié ethnie na territoire na bango. Ethnie na territoire. En passant, na ba ethnie na liste on est allé ngam na sali yango te. Liste on est outil na ba archive ya ba belge. Na liste on a ba archive ba belge, ce qui est intéressant, ils ali que to moni ethnie moko banyamulenge te. Aujourd'hui, na été monoko wana ba créer yango sika et botame sika. Oui, peut-être l'anthropologue a aidé biso, mais la liste na ba archive ya ba belge, je n'ai pas vu une ethnie au nom de Banyamulenge. Exact. Sur so, la liste, il y a 278 ethnies au Congo, na moni ethnie Banyamulenge te. Juste wana ezala ki entre parenthèses. Et fermé yango. Et na liste wana bokomo na liste territoire, liste territoire, liste territoire, liste territoire. Et vous allez remarquer que na 278 ethnies tozanango, soki ozali un président de la République, oyo azali kolite pour na instaurer état de droit na pays na yo, un président de la République, oyo alité pendant 37 ans pour ba changer makambo ya mabe na mboka lokola tribalisme, ba changer népotisme, ba changer biloko na nyonso ya mabe. Alors, président na tango akoti na pouvoir parce que biloko na ezalaki biloko phare ya lutte ya propagande na ye. Président wana na tango azali ko nommé. Il faut à faire très attention na tableau de bord na ye. Il faut azala na ba donné oyo ekoki ko plonger ye na tribalisme te ekoki ko plonger ye na népotisme te. Parmi ba élément wana ezali ba représentation ethnique ou ba représentation régionale. Token d'exemple moko d'abord. Félix Batu mingi batunaka, mais où est commis acharnement na Félix? Qu'est-ce qui se passe? Ozali na problème individuel avec Félix ou bien c'est quoi au juste? Batuana, je les comprends. Nazo comprendre bango dans le sens que ce sont des gens qui n'ont pas étudié ou ce sont des gens qui ont raté l'école. Parce que vous remarquez que Félix, avant comme président, n'a tikala jamais comme une phrase ou bien un mot. Pour na Félix ou bien pour la famille à Félix. Ce que je fais, na kota ki na campagne pour soutenir Étienne Tshisekedi Lumumba en 2011, j'ai été parmi les organisateurs de la marche. Na ambassade ya city na ambassade ya États-Unis na Corée, na ambassade ya Belgique na Corée, pour soutenir Étienne Tshisekedi Wamulumba. Voilà comment j'ai intervenu. Na tika la ko intervenir te na critiquer famille ya Tshisekedi ou bien na critiquer Félix. Et d'ailleurs Félix je l'ignorais parce que na yebaike hein boyebi kaka bana ya ba leader même si capacité au sala musala exacte il faut ba kumisa ye kaka mwana leader. Alors, moi, Félix, je l'ignorais. Alors, ce qui vous tourne, mais ils ont un problème personnel et commis acharnement. Non, ils ont acharnement. Parce que Félix, aujourd'hui, tout le bayango clair que Azali, président du Congo, même si Azali gouvernait avec Kabila, au niveau de la Constitution, Félix est le président de notre pays. C'est-à-dire, le col Azali président Yambo Kanabiso, donc Félix me représente. Même si n'a voté y était, bah résultat au bah Kosibiso, selon la loi, Félix me représente. Alors, Moutou Azali co-représente Ngaï. soki na moni kazali kosala mosala malamu te, soki na moni kazali kobebisa, il faut na kritike yango. Ezali responsabilité na ngai comme citoyen, ezali devoir na ngai comme citoyen. Alors, personne n'a koyiko yako tout na ngai, ezali acharnement na président. Pourquoi boyer? Non, azali président na ngai. Je n'ai pas vu batu baya ko tout na biso ki ezali acharnement na tango Laurent Désiré Kabila zalaki na pouvoir, na tango Mobutu zalaki na pouvoir, na tango Joseph Kabila zalaki na signature ya mbongo. Moto moko te ayaki ko questionner ba critique na biso contre Joseph Kabila. À l'époque soko critiquer Joseph Kabila, ozali compatriote, ozali patriote, ozali mwana mboka, ozali intelligent, ozali professeur, ozali vraiment mutu oyo azali ko bundela mboka. C'est normal. Et ba critique wana on accepte quand même ba caricature, on accepte ba qualificatif, on acceptait des injures envers Kabila, envers Moïse Kabila, envers tout le monde au Azala qui pembeni à Kabila. C'était normal. Et d'ailleurs, ceux qui ont saliné, ont critiqué, batu ya liboso, ont bako félicité yo que moi namboka, intelligent, patriote, professeur d'université, voilà combattant de Ngazalaka, voilà résistant de Ngazalaka, et outaka na kabeya ka mwanga Airbus. Mais aujourd'hui, suddenly, brusquement comme ça, Kabila donne le pouvoir à Félix, stop na ba critique, stop na position, pour critiquer loko mokote, pour le loko mokote. Alors, c'était une réponse na batu o bazolo ba, mais pourquoi toujours Félix, oui. Les jours où Kabila koboma Félix, na kolobela sur Félix c'était. Je vais voir la personne qui va remplacer Félix, ce qui a zali patriote, ce qui a zali namour yamboka na biso, oui, tu peux supporter. Mais ce qui a sali makam lokola Félix, il y a trahison, il y a bas détournement, il y a népotisme, il y a tribalisme. Na ko attaqué toujours kaka na ndenge ya boye. Donc bandeko oyo bazotu na ngai, est-ce que zali acharnement, est-ce que zali na problème personnel avec Félix? Réponse na bino yangwana, oui, na zali na problème personnel avec Félix. Le problème que j'ai, ezali entre un citoyen congolais na un président de la République qui lui représente. Le président de la République azo sala mosala na ye malamu te, et responsabilité, devoir ya citoyen que je suis, ezali ko critiquer ye, ezali ko qualifier ye, ezali ko leka même na ba caricature. Ça se permet partout au monde. Voilà. Alors, toi ya siko na liste o ezali na page na Facebook ya Betni ya mboka na biso. Félix a ye na pouvoir. Nga na yeba ki en tout cas na linga koza na ba doute ce qui mutu mususu ya yi de pes azu pouvoir. Mais mutu azu pouvoir mwana ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Na sepela ki makasi ke oui biloko nyoso to moni ba maloba ba slogan le peuple d'abord, social à peuple d'abord, état de droit, démocratie, justice, abi oui. Mutu oyo test nanga liboso ezali natala banani ko nommer parce que ba président nyoso eloko liboso ba nomma cabinet na ye rapide avant former gouvernement, parce que avant former gouvernement il y a des négociations, mais le cabinet na ye négociation exacte pour nommer ba cabinet staff nyoso, négociation exacte yemo ko vanda na chambre na ye zabiki na papier à nommer liste ye ko bima. Félix a nommé ba conseiller na ba agent affecté na présidence de la République plus de 600 personnes. Na kati ya bato o ya nommé, il y a des Congolais. Selon la loi, il y a des Congolais na ba paya. Et loko li bosse comme ça kingai. Parce que il y a des ces Congolais oyo bazali na double nationalité. Oyo bazwa ba nationalité na libanda ici ka bazalaki na diaspora. Or, loi ezali ko rejeter double nationalité. Moto oyo azali président, azali moto oyo a lutté contre injustice, contre état de droit. Est-ce que wana ezali justice au lieu de nommer des Congolais 100% ozala na norme, ozala na conflité avec la loi, yo ke ko nommé des étrangers, même si les étrangers wana bazali na origine congolaise. La loi l'interdit. Wana lo kwali boso etika kingayabi. Ça c'est quoi? Mais lui-même Félix reste congolais, il n'a pas changé de nationalité. Bato o aye ko nommé bazali na nationalité congolaise te. Loi et lobby ezo rejeté double nationalité. Wane lo kwali boso. Et lo kami balé plus de 600 personnes oyo aye ko nommé ba conseiller na ba Jean, to considéré na 600. Plus de 560 loba. Nazozongé les locaux parce qu'il faut lutter contre népotisme et tribalisme. Aye qu'on nommé sur 600, aye qu'on nommé plus de 560 loba. Donc, batou, il y a ethnie naye. Na moni batu mingi baye na ba comment, ba msou batinde linga na inbox. O lingi nini. Na Congo ba etni ezali 278 nengo lobi yango. O lingi Félix a nommé batu nyoso. Réponse na koyi kope sa bango te. Na lobi te ke Félix a nommé batu nyoso. Mais na pléthorique ya ba conseiller na ba staff nyoso aye na bango na présidence. Il y a possibilité à zala na équilibre ethnique, na représentation ethnique, sans que Batouba akize, pour à éviter Batouba akize et tribaliste, népotiste. Donc, il y a un niveau ya ethnie. Aye na présidence avec 600 personnes. Ce qui a considéré origine ethnique à Batouoyo. Ce qui tozui 600 personnes divisé par 278, c'est-à-dire Félix Azali na possibilité ya ko nommé na présidence deux ethnies, deux personnes par ethnie na mboka na biso. Donc à cause na basuku mibale soit conseiller, soit staff, à cause na bamushi mibale, donc ethnie nyoso à cause na mibale. Parce qu'il y a un nombre qui a battu belé 600. Donc, possibilité, ils allaient que, à chaque ethnie, deux personnes. Parce que, Balobi, l'UDP, ils allaient national. L'UDP, c'est partout dans le village, il semble. Alors, est-ce que, Batou, il y a une de paix, il y a une ethnie, 278, basalité, pour qu'il y ait nommé 2-2-2. Parce que, hier, ils allaient démocrate. Ye azali moutou état de droit. Ye azali moutou ya justice. Ye azali moutou ya le peuple d'abord. A quoi yko tiket ni moko te na simako marginalise et ni moko. Donc loko la na moutou na ya yaki na idée a mema 600 personnes na présidence. Basala moussala na ye. Ye azali moutou ya batou nyoso. Ye azali national. Voilà. Possibilité ezali ke a nommé chaque ethnie ya mbo kanabiso batou mi balé. Ce qui est au long na cadre ya représentation ethnique. Rentrons dans la représentation régionale. Possibilité ezali. Félix a nommé Batou nyoso ya ba province nyoso bazala représenté na ba staff na ye, ba conseiller na ba staff na présidence. Ce qui est aujourd'hui 600 personnes o aye na bango divisé par 26 provinces où il va créer. C'est-à-dire, Félix Azali a la possibilité de nommer 23 agents et conseillers na président de la République. Donc, province Nyoso Nambo Kanabiso et Kozalana Batou 23. Voilà un démocrate. Voilà Un partisan, il y a l'état de droit. Voilà un partisan, il y a le peuple d'abord. Yozui, na batu nyonso oyo na ba ethnie nyonso oyo ezali na mboka na biso, 278 ethnies, on nommait 560 batu ya ethnie na yo, ya tribu na yo. La question que je pose, na batu nyonso bazali ko supporter ye ke asali mabete. O ezali nini? Ezali tribalisme te? Ezali népotisme te? Un président Oyo a sali na opposition 37 ans ko lite contre biloko nyo son népotisme, tribalisme, corruption, tout ça. Akoyi ko sala boye. Akoyi ko nomé boye. Donc, osundoli ba etni nyoso ozwi 560 batu ya etni na yo kaka. Institution présidence ezali ya ethnie ezali ya tribité. Institution présidence ezali ya biso nyonso. Natango ezali ko nommer bana nyonso ba se représenter. Natango azwa ki idée parce que Congo ezana ba ethnie ebele. Même si nazali ko condamner parce que bato oyo bazo sala musala na bangote. Mbongo ya trésor public ezo kende ya ofele azo kabela bango mbongo ya boule. Mais comme ba ethnie ezali ebele, idée yeli yo 600 personnes, mais considérer ba représentation ya ba ethnie, possibilité ezali. Boyoki ngai, bino batu bozwa ko atake biso asala nini anome batu nyonso, oui, possibilité ko représenter batu nyonso ezali. Possibilité ya ko représenter batu nyonso ezali. Même si, ngai, je l'ai dit ouvertement, que ethnie na ngai suku ezali représenter na batu Félix Anomaki. Ezali représenter. Mais, représentation oya suku ezo sala musala na ngote. Il faut qu'on le bango vérité. Représentation suku ezali qualifiété. Je regrette. Ezali qualifiété pour na ko sala musala oyo approprié na conseiller wana. Conseiller azalaka moto azalaka na expérience belé. Expertise belé. Azali conseiller technique. Alors, j'ai remarqué que représentation soukou, expertise exacte. Expertise technique exacte. Ça c'est vrai. Na yebi ke la représentation soukou ezali nommé parce que quelque part à un moment donné de l'histoire de notre pays, cette représentation soukou et pesa ki $1,000 na famille ya Tshisekedi na tango ba leka ki na mboka oyo bazalaki. Voilà, Félix a kanisi $1,000 hein, moi soutien ba économie. Mais moi je dis que cette représentation soki ba tchaka yango ba tchaka ye la position mususu oyo atangeli, oui, na kondima yango. Représentation suku. Et si kabacheye, ezali matière o atangelite, azali une expertise mon côté, azali une expérience mon côté. Mais, cela ne veut pas dire que comme les suku sont représentés, tukoyi ko lobate ba ethnie mususu batiki pembeni pembeni sans considération wana. Soki tokeyi na niveau régional, possibilité ya kozwa batu nyonso bazala bien représenté ezali. Alors soki bolobi ke tokeyi na niveau na représentation régionale te, tokeyi na représentation ethnique te. Mais bokoyi ko sala l'équilibrium ya représentation oyo régional pour na koloba ke région oyo bazali surpeuplé ba conseiller pe bakozala moins ebélé. Région oyo bazali surpeuplé bakozala moins ebélé. Est-ce que na Congo na biso nos frères ya Kasai bazali surpeuplé? bazali sur le peuple que bango moko bazwa 560 postes na présidence. Et où est-ce 40, ma province, mon sous Etikali, 24 provinces, Bokabula. Les restes, nous il y a 500 wana, seulement les Luba. Alors, moutou oya ko garde silence, na injustice yaboye, na tribalisme yaboye, na népotisme yaboye, c'est que ozali complice na destruction yambo kanabiso. Je pense que Nesikawana, toyokani bien tozali clair. To banda kolobela yango toujours, to banda kolobela toujours, to banda koyana yango, to banda koloba. Parce que ezali devoir, ezali responsabilité na biso pour na ko combattre tribalisme, pour na ko combattre népotisme, pour na ko combattre corruption, pour na ko combattre ba anti-valeur. Donc en agissant comme ça, Monsieur Félix Zali, un anti-valeur qu'il faut combattre. Et Moutounion soit Zali qu'on soutenir, il n'y a pas Zali anti-valeur, il faut combattre. Pour ne pas paraphraser Fabio Koussouanika, dit Amen. Voilà. Tous les cas, n'a pour mon sous. Oyo, excusez-moi. Tous les calamois pour nous sous au nazomona d'actualité. Monsieur Fayoulou est rentré des États-Unis et si Kazala qui confiné pour la COVID. Kozonga zongi, kozomona balai. Défilé, il y a Batou, soit ma représentation diplomatique. Soit batou ba politicien na bureau ou bien na ndako ya Fayoulou. Batou ebele bazo commenté les pro Fayoulou. Fayoulou béton. Batou nyo so la kelele pour na ko koutana na ye. Est-ce qu'il y a quelque chose ezali na téléchargement te? Moi, après analyse, il n'y a rien, il y a téléchargement. Na faveur, il y a Fayoulou. Fayoulou juste a appliqué la politique de Jean Tshisekedi wa Mulumba. La politique de Mativi. Ba défilé wana nyonso ezali na ndako na ye. Batuebele surtout ba représentation diplomatique. Bazali ko yate parce que balingi Fayoulou, ba ke neko solo anaye, a proposé ceci ou cela. Il n'y a rien à proposer. Et même s'il y avait quelque chose à proposer, moutoumoka Rolanda yango azati. Ces gens défilent chez Fayoulou parce qu'il a passé 2 mois et 2 mois libanda yamboka. A koki kozala na ba contact mususu oyo peut-être le service ya ba renseignement na Congo bazana information te. Ba mission diplomatique na bazali koya peut-être il y a quelque chose o ezali ko échapper bango na motu ya Fayoulou. Tika toke ne okutana na ye pour sonder intention na ye pour tozwa position ko sauver Kabila. Dans la position à recevoir peut-être Félix. Batouana Bazali, ok, peut-être il y a quelque chose pour l'intérêt à Congolais. Exact. Et c'est ce que Tien Tshisekedi faisait. Et c'est ce que soit outil Libanda. Il faut mobiliser Batoubaya Royambaye. Ce qui va y ambiye, jour et lundi, ni. Ba politicien nyo so nanda kunaye, ba représentation diplomatique nanda kunaye, pour que ba ye ba na libanda zala ki kuna, qu'est-ce qu'il a fait? Alors c'est naïf, tout mona, ba Congolais bazo sepela hein batu nyonso akelele sima ya Fayulu tozela mikolo ezoya tokomona ceci ou cela ezali poudre na misu ezali mafuta ngulu constant nga na sali j'aime beaucoup Fayulu Fayulu na prototype na zolo bien prototype académique il y a un dirigeant un président na mboka na biso azali ko remplir yango c'est quelqu'un qui n'a pas raté l'école c'est quelqu'un qui a de l'expérience il y a matière na ye théorique azwaki na classe à la kisaki yango na musala il a travaillé na misala place à salaki azwaki échec te et je pense que mutu ya boye akoki ko représenter ba congolais akoki ko kende quelque part na place bazo discuter matière ezo senga connaissance ya classe Félix a séché Fayulu a séché te à cause de la oui te a koyi koloba oui a koyi koloba non mais mutu oyo a leki na nzela ya classe te soki bakeli la kisaye makambo oyo ezo senga compétence ya classe ya kozala wana kaka pona oui chef voilà comment est-ce que par exemple Kagame roule Félix na ba massacre oyo ba mort na Congo génocide ya Congo Kagame fait accepter na Félix que le roi na participer na ba massacre na Congo Félix a dit amen papa Félix dit amen mais soki bokeyi na ba Twitter ya Félix na ba tweet ya Félix Sobokeyi na ba page ya Félix avant comme président. Combien de fois il a condamné ba massacre ya Est ya mboka na biso? Combien de fois il a condamné les Rwanda? Combien de fois il a condamné l'Ouganda, le Burundi, na ba force mususu externe, na ba force interne. Ba archive ezali sur le net. Lelo ba pesi ye pouvoir a Baluki. Non, le Rwanda n'est pas responsable. L'Ouganda n'est pas responsable. Le Burundi n'est pas responsable. Sans nommer alors qui est responsable. Alors, donc je disais que j'apprécie Fayulu, mais ce que je déteste na Fayulu, c'est cette politique archaïque des copier-coller. Cette politique nous a mené à l'échec avec des gens comme de Tien Tshisekedi wa Mulumba, avec des gens comme de Gizenga. Bango pe baye bazo landa kaka même politique. Qu'est-ce que Tien Tshisekedi faisait? Il faut voyager. Ceux qui a voyagé, qu'est-ce qu'il faisait? Mobiliser batu. Na banzala na bango, mbongo ezate, na ba maladi na bango, baya ko yambaye. Soki ba yambiye, bozonga na ndako, bola la ponga ba bebe. Soki ba lali ponga ba bebe, ye abandi, ba contact na batu na ye. Batu ba kozela, peut-être ba contact wana ko pesa quelque chose de bon pour le social de notre peuple et l'autre côté. Cette politique nous détruit. Quoi? Est-ce que mais tout est autant la bien te d'imaginer quelque chose de différent? Est-ce que ces politiciens basaïn a un bureau stratégique t'es? D'imaginer quelque chose où yo et qu'on y quoi porter changement na vie quotidienne y a bato na y a peuple na biso. Mais non, bango kaka les copier coller. Je sais bakebele ba otuna nga yozo proposer ni. Mais non, nga na ko proposer dans la vie. Vous savez chez nous, honnêteté intellectuelle les alliés. Chez nous, honnêteté intellectuelle les alliés. na IDPS ezalaki même moto mususu ya IDPS a pensé sur quelque chose na IDPS. Il faut que tchango na kombo ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba soki oboyi balongoli na IDPS. Lelo je peux proposer des choses ici. Personne n'a qu'à reconnaître que l'okoto sali, c'est M. Yombi qui avait proposé ça. Moutou mokote. Bozali na ba bureau na bino stratégique. Si vous voulez avoir nos propositions, contactez-nous comme consultants. Ça s'est fait au monde. Tu as proposé bino beaucoup de choses. Tozali na ba document ya ba pays. Comment est-ce que ba pays wana ba longwe na pauvreté? Comment est-ce que ba longwe na état sauvage? Ba komi na niveau civilisé, na niveau industrialisé. Tozali na ba dokimana. J'ai la fois passé, il y a ba pays mi balé, oh lelo, et ça la fierté, ils ont la fierté du monde. Oyo, na tamouke vers les années 70, bazala ki très pauvre, ko liya koutou na passe, lelo ba koma, moussou se koma 11e puissance du monde, 11e puissance économique. En passant, il y a un frère qui m'a dit, non, il ne fallait pas au loba, que aux ana documents, il y a un pays où il y a un pays où il y a un pays où il y a clause, il y a un document. Il y a un pays où. Donc, les politiciens ont dit, le bureau stratégique est à la carte. Au moment où le bureau Mubimba, moi, je suis allé à la bango, j'allais l'ouest. Batu oyo ifu ba panzaka ba video na ye pour que ba mobilizaka batu ba ya koyamba ye. Jamais komona ke ya un parti politique o bazali na bureau innovation et stratégie bazana ngote. Soki stratégie ezali stratégie comment ya komobiliser batu ba ya koyamba ka bango. Donc non politiciens ne remplit pas ba critère vraiment y a ba politicien. Na ba mboka to vandi ba parti politique ezali vraiment une industrie. Hein? Na ba mboka to vandi ba parti politique, ba université, ezali ba industrie. Ezali ba industrie. Au moment na ba parti politique, ba ezali toujours à cheval avec des universités. Et là, on a investi dans ça. Et là, on a investi dans l'innover. Mais là, on a mis sur base de l'ango pour concevoir projet à société na bango. Mais et pas na biso na Congo. S'il y a des étudiants qui sont liés au parti politique, c'est pour mobiliser des étudiants ba yambaka ba leader, ba yambaka ba na ba leader, ba sia ba leader. Jamais un parti politique lié na ba département ya ba recherche ya ba université. Il n'y en a pas au Congo. Oh, il y a dit qu'il y a un parti politique dans le Congo où ils allaient lier à une université, soit nationale ou internationale, liée à la recherche à Tombola Mosapi. Quel est ce parti politique et quelle est cette université? Donc, M. Fayulu, naba politicien Moussousou, il faut ba rectifier façon na bango ya osala opposition. Cette façon de made in Etienne Tshisekedi, made in Gizenga, ezali politique moko ya échec. C'est une politique tournée vers la mobilisation vers Mativi. Ba moningai, bo moni ful ya batu. Bo moni plein à plein. A la kisi bango ke ye a Simba Kishasa. A la kisi bango ke mbonji maya, yezali ya ye. Fini. De parti politique ou élection yezala kate. Mais ils se disent de parti politique lité pour na instaurer état de droit, pour na instaurer démocratie dans boka na biso. Mais bango moko na kati ba parti politique na bango, démocratie ezate. Depuis ya créé ye na mwasi na ye a créé parti politique na ye, élection ezala kate, changement moko ezala kate. Si ya changement, ba oyo na se soki bazali ko sala musala makasi te ya ko mobiliser ba tuba ya ko yamba ye, ba longoli ye. Mais ye moko président. Parce que yo président de parti politique, vous êtes leader. Il faut avoir une notion de leadership. Si par exemple il y a quelque chose qui ne marche pas, responsable les alliés, yo, parce que vous êtes les leaders. Alors, si vous remarquez que vous avez échoué, eh bien, prenez congé, remplacez-vous par une autre personne. C'est ça le vrai leader. Na Japon, bomoni sinzo abe. Amoni ke non, non, non, malade yazanango. Ils allaient quoi empêcher pour à réfléchir pour la décision yamboka. Malade wana soka continue comme la premier ministre et koki ko déranger et koki ko tcha payer na situation moko yamabe a longwe na ye. Et pas la biso ba président mususo kizengi ayebi ke akoki ko raisonner te longwa alingo longwa te. Bano belaye longwa fatwa. Ozali tribaliste, ozali aîné, ozali jaloux. Bon, problème ezate, loko ozali pe ki yungu, problème ezate ton dimi ya vanda wana. Mais, pembeni na yo, tchaka même bato bako yiko rezone, bato bako yiko pese o conseil ya mamu. Yo o sinye akaka ta ko sinye, o tambula kana batapi rouge, te, tolo ba boye, boye te, sala boye, boye te. Ki yungu ache baninga ye biyungu na biyungu. Mais, ezali mboka na biso. Ezali mboka na biso, tokoki kotika biloko boye te continuer parce que ekokoma sikoyo système. Et comme il est le système parce que ce n'est pas le premier président ou toujours ya kiyungu. Moto apesi ye pouvoir ye grand kiyungu. Ye kutwaye na baboti ya mbula. Esika auta, to yebite. Papa na ye, to yebite. Mama na ye, to yebite. Lelota ndenga komi. Nana kobo ya ke Kongo ezali paradis. Lola oto yoka ka nana kobo ya ke ezali Kongo. Paske mutu nyoso ezala uye na baboti ya mbula. Eza loye na bakupe madofolo. Soko komi na Kongo, Kongo hao komi sa yo rich, hao komi sa yo intouchable. Kabila, soki na kosi, ayande ngeni, lelo azande ngeni. Jamal, auti Liban, ayena mboka na biso ndengeni, lelo azande ngeni. Kombi azande ngo. Nanda pesie, Kongo te, baruberwa, bayana mboka na biso ndengeni. Lelo ruberwa komi ndengeni. Ba bizi makara, ba yana mboka na biso ndenge nini. Lelo ba komi ndenge nini. Me bana mboka, biso moko bana mboka. Moi j'ai étudié avec Kupé Madofolo. Na sima Madofolo mi balé. J'ai étudié comme ça. Na zwa bourse d'étude te. Moutou moko te, a fouté langa Minerval ke non, zwa ata 100 francs, ya pamba yango zwa, ata un zaïr. Zwa fouta Minerval, personne. Na lobaka personne. Na tango na zalaki na école primaire, oui, ba para na ngai. Mais tango na longwe école primaire secondaire, personne. Or chez nous, avoir un diplôme d'état aux ailes locales, moi semi lettré en sens. To mon andenge enseignement aux ailes na mboka na biso. Diplôme d'État est qu'on facilite yote pour aux analyses critiques. Et qu'on facilite yote. Il faut qu'on baxe sous ce tanga moi mouke. Biso, ba kolomboka. Combien oyo bazali na ba village na biso? Moya kende classe exacte. Bana na biso ba ban exacte. Uniforme exacte. Ba enseigna bazali paye na salaire ya malungate. Yango pe na ba de l'estage. Mais ba paya nyoso soki ba ye. Ba dirijan na biso ba ebi trebe ke ba paya o ba ko deranje ba ngote. Ba zope sa opportunite e paya ba paya. Mais ba namboka ba zali ko soufrir. Ba namboka va ba pesa yu fo bete la ba ngoma boko. Il faut koumi sa famille Tshisekedi. Il faut koumi sa famille Gizenga. Il faut koumi sa Kamere. Il faut kiti sa pantalon. Nga mna lobite. Félix Yemoko. Avant Mbappé ça y est pouvoir à Ebisaki Biso. Biso to zali batu oyo ba kitsela kabila pantalon te. Lelo yemoka komiko kitsa modinda. lelo ye moko akoki okitisela kabila modinda. Non, à un certain moment, il faut qu'on se dise des vérités. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Yé, avant d'avoir quitté la kabila pantalon, mais lelo, n'a pas quitté la kabila pantalon. Mon païanion, ça voyait dans mon cannabis. Il faut comme roi. Bon, qu'il y a un avenir du commerce, n'a évité de se faire toujours. Congolais, ni n'y a pas eu de nom à un Libanais. Congolais ni nakoye koloba non à un Pakistanais. Mais toi qui es dans le Liban, toi qui es dans le Pakistan, quel est ce Congolais ou akoye ko gifler un Libanais dans le Liban? Quel est ce Congolais ou akoye ko gifler un Pakistanais dans le Pakistan? Na Congo na biso, ces gens, basali ko maltraité batou na biso, salaire ya malunga ezati. Baloba, ba passé, na bambata, na bibotu, et ensuite, ba bengeli bango police, police er akoya, Congolais azo kende, na sociat. Mais na bamboka to vandi soki o sae likamuna mokolo mboka, police so aye, biso na azi, soki police aye, police a tout na kate, qu'est-ce qui s'est passé? Police d'abord retourne à Yom ou pas, il y a pas de passeport. Et pourtant, Bilo Kwande, la police a besoin de passeport. Azan a besoin de carte d'identité. Yom ou Namboka, Ozali na bureau à la police. Non, Yom ou pas, Ozali na bureau à la police. Moi, Namboka, na bango, ba libéré, s'il y a des questions, ba roben na téléphone, ba yeba, qu'est-ce qui s'est passé, justifie-toi. Mais Yom ou pas, aux ans à bureau de la police. Mais chez nous au Congo, inversion de valeur. Moi, je suis un peu un associate. L'étranger est protégé. Oui, il faut protéger les étrangers. Ça, c'est vrai. Mais, ma cambo est réciproque. Et la réciproque. N'est-ce pas traité Batunabiso na mboka na bino? Ndenge toko traité batuna bino na mboka na biso. C'est comme ça, c'est ça la diplomatie. Bo refoulé to refoulé. Bo respecté to respecté. Bo yibi to yibi. Bo kangi to kangi. Bo fingi to fingi. Bo menacé to menacé. C'est ça la diplomatie. Mais nani akoki ko faire respecter yango? Ki yote? Mutu oyo ayebi makambo wana. Batu oyo bakoki ko pesa conseil na oyo babengi président, na oyo babengi ministre. Mais soki botie mulongo ya biyungu na biyungu, kizengi kizengi, kizengi engagé kizengi. Oh, boye engagé boye. Libungutulu engagé Libungutulu. Arata école engagé Arata école. Batu oyo barata école te, oyo bazali na baner solide te, qu'est-ce qu'ils vont faire? Kokene ko lécher ba botte. Ya bizing. Voilà pourquoi vous voyez à beaucoup de professeurs na mboka na biso, nzale le ki salaire malunga te. Professeur Awasalani, aya au kombo la même bureau ya kizengi. Pour azombo, au pas ya kizengi, kingolo fort. Babotoli mboka kidnappé. Association de kizengi ont kidnappé le pays. Alors, les intellectuels, au bazali na banner solide, ko sipote nzalate, Awasalani. Ba ya ko lécher les bottes. Ba ko lécher les bottes. À un certain moment, même si Batu Oyo ba kidnappé Mboka, un peuple doit s'arrêter pour se questionner. Pona koloba ke trop c'est trop. Pona koloba ke trop c'est trop. Mais au peuple nini lokola ba mouton. Tous nini. Jusque na mbula nini to ko ignorer ba droit na biso, to ko ignorer ba responsabilité na biso. Ti na mbula nini. Pasi na pasi banda Kongo e banda, pasi na pasi. Et yego koma lisusu makasi parce que bi yungu ba kidnappé biso, mais moutou moko ta koyiko lo bato tombo la moutou poto se libérer. Je ne demande pas na moutou avant na fin fond ya Bindungi, na fin fond ya Bolobo, na fin fond ya Kabea Kamwanga, a telema, yé moko action individuelle. Non, nous demandons des actions collectives. Des actions collectives. Parce que notre peuple a fait confiance na bato ba beni ba politicien. Mais bota na ba politicien lo makambazo sa tabiso. Politicien a ko pensé que peuple azali soki balingi ba mobiliser ba peuple ba ya ko yambaye. Soki politicien moi na naye, moi si naye, neve naye, ye moko poste zate. Alingi azwa poste wana politicien a yebi ke ya un peuple. Dès que poste ezali, dès que bakato mbongo ye, politicien a yebi te ke peuple azali. Nani azo défendre politicien yango boye, kaka ye Congolais moto bazo nyokola. Bourro na yo moko ozali ko respecte ye. Yo moko zo pesa ye force po akoma na makasi ya ko maltraite yo. Ko maltraite population eza kaka batu bazo na pouvoir te na gouvernement te. Ba pasteur bazali ko maltraite population. Ba politicien bazali ko maltraite population. Ba médecin, ba corps médical bazali ko maltraite population. Ba enseignant bazali ko maltraite population. Population au juste ezali biso moko population ba tozali bi yungu ou bien tozali ko comprendre te que il faut to bima na situation oyo bato ba tchebiso. Politicien ndenge na outre ko détaillé, ayeba ka peuple azali pona ko mobilisation, pona ko défendre ba droit ya famille na ye. Loko la famille Tshisekedi. Ba pasteur bazali ko maltraite population comment? Na mboka misale ezate. Les gens souffrent bazali ko vivre na se ya 1 dollar. Kutu na koyiko lo bazali ko vivre na équivalence moko te en termes monétaires. Salaire ezate na ba oyo bazali ko sala. Oyo bazali ko zwa mwa salaire. Ezali salaire moko ezo permettre bangote ya ko sala même 2 semaines. Qu'est-ce que le pasteur font? Na ba église Kitunga oya blé, voyage ya pasteur. Kitunga oya rose, kolia ya pasteur. Kitunga oya pembe, dim. Bobo sana te, bo sana confusion te. Kitunga oya bleu. Ezali pona voiture ya pasteur. Bozali na sonite. Pasteur azotambola na voiture ya kala. Nzamba zale. Pona ko senga biloko ya pasteur, mbongo ya pasteur, kolia ya pasteur, kolata pasteur, kotambola ba voyage ya pasteur, pasteur azali ko senga na peuple na biso. Na bandimi. Mais soki mondimi azali na problème, mbongo akosomba serenge ezate, mbongo akosomba spirine ezate, pasteur, le pasteur envoie les chrétiens à prier Dieu. Mais même le pasteur, pour leur nourrir, pour leur voyage, pour leur voiture, le pasteur demande aux croyants, aux fidèles. Oyo tozali ba fidèle bandimi ya biyungu, bien tozali bandimi ya batu, oyo ba raisonna ke non, ces pasteurs nous exploitent. Ba pasteur bazali ko exploiter biso. Nalo ba bino parce que moi je ne donne pas. Ezala otambusi par accident bo meminga ikula na église ezala bo tambusi bo rayonné ba couleur ya bitunga na zota la ndenge na kota ki ndenge na zota okozwa ta un centime te bo kabela nzambe. Façon qu'Abelan Zambé n'est pas pasteur, moi je pense que la meilleure de façon de donner à Dieu, aux anambogo ya extra ou linko pesa dim partout, zoambongo na yo bimali banda bana ba chege bazali ebele, kabelaye. Kene na ba hôpitaux, ya des gens qui manquent de seringues. Kota na hôpital, ebi moutou mbogo te na hôpital, kota pona kaka moutou nyon pesa. Kene na ba pharmacie ya ba hôpitaux, ya des gens qui plaient. Mbongo kosoma kisi ezate. Dim na yo mabonza na yo zana ngo. Kanga misu ndeko, nzamba bingayi na pesa yo. Somba kisi. Voilà la meilleure façon de donner à Dieu. Ce n'est pas d'enrichir ce pasteur ou bazali ko exploiter bino. Ba enseignant bazo exploiter peuple na biso komba. Kofuta bango salaire ezali responsabilité obligation ya gouvernement. Mais ba enseignant gouvernement azo futa bango salaire malunga te, au lieu de tourner contre ces gouvernements ou azali responsabilité, les enseignants tournent contre les enfants. Sauf que sombi syllabiste a corriger te pena yo te. Sauf que pesi frais Ya école te ba ko corriger nité ba bengani na classe. Ba médecin de na utukoloba. C'est la même chose. Médecin serment d'Hippocrate ba sala ba bosana ezalaka te. L'argent d'abord avant de vous toucher. Donc le peuple est exploité na ba bor nyonso. Donc la conclusion, vous allez comprendre que au fait, c'est en réalité nous, peuple, au Tozali, na faculté à raisonner, pensate, comment sortir de la situation. Oyo. Donc, tout élément, Moutou Azali ko détruire, ne te laisse pas tomber. Tozali na possibilité ya kote lema. Tozali na possibilité ya koloba non. Toke negosi sa na point oyo. Ya situation ya mboka na biso avec l'ambassadeur rwandais au Congo. Ambassadeur oyo boyebi ndenga zali ko menacer tout le monde. Un ambassadeur négationniste. Oyo azali ko nié ba massacre na mboka na biso. Azali ko nié yango te. Azali ko nié yango te na mboka na bango au Rwanda. Azali ko nié yango na Congo na ba media ya Congo. Azali ko lancer ba tweet chaque jour. Azo tcha congolais na défi que personne n'a le pouvoir de le faire rentrer au Rwanda. Question Tozali Kotuna, tout moment, Tozali Kotuna, quel est cet ambassadeur congolais dans Rwanda qui peut nier le génocide rwandais? Nazolo Bayango toujours que le génocide rwandais est allé vrai, ça s'est passé. Nous condamnons le génocide rwandais. Mais cet ambassadeur, le Rwanda devrait être un exemple de soutenir le peuple Moussousou Oyo Bazali massacré parce qu'ils sont victimes de cette histoire-là de massacre. Alors, ils doivent soutenir le pays Moussousou Oyo Bazali victime de massacre. Mais non, le Rwanda se lance dans ce négationnisme. Tout le monde nous dit, tout le monde dit, tout le monde témoigne. qu'au Congo, il y a eu plus de 12 millions de morts. Le Rwanda dit non, il n'y a eu aucun mort. Un rapport américain dit au Congo, chaque une heure, il y a 48 femmes violées. Chaque une heure, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est un rapport d'une université américaine. Au Congo, chaque une heure, il y a 48 femmes, enfants, violées. Le Rwanda dit non. Rwanda Bazalaki Bangomoko. Et voilà maintenant des inconscients comme Félix, des inconscients comme Beaufort Nangai, des inconscients Milouvor, Bayeko soutenir le Rwanda pour dire que non, au Congo il n'y a pas de massacre, au Congo il n'y a pas de viol, au Congo il n'y a pas de destruction. Détournement exacté. Voilà, pays Nabisso et Sikatokomi. Alors, comme tout Congolais conscient, nous avons été parmi les premiers qui ont demandé que l'ambassadeur du Rwanda rentre au Rwanda. Le Rwanda et le Congo, tozali ba pays voisins. Vous allez partager ma frontière. Le Congo et le Rwanda restera pour toujours pays voisins. Mais, quand les voisins viennent vous détruire, quand les voisins viennent vous séparer, quand les voisins viennent vous violer, nous restons voisins, mais nous fermons nos frontières. On ferme ma frontière. On n'a pas besoin de coopérer avec ces voisins qui viennent nous détruire. Moutoumogotakoye Bisanga, il y a eu un Congolais, pas deux, un Congolais, qui a traversé la frontière à Rwanda, qui a tué un Rwandais au Rwanda, qui a violé un Rwandais au Rwanda. Aucun Congolais. Mais pourquoi il n'y a que des Rwandais qui traversent, qui viennent au Congo pour violer, pour détruire, pour séparer? Comme nous sommes voisins, on a besoin peut-être de normaliser des relations. Mais comment on normalise des relations diplomatiques et surtout avec un voisin? Il faut d'abord une justice. Vous avez dit que vous êtes partisan d'état de droit, de justice, de démocratie, de peuple d'abord. L'ONU nous a facilité la tâche. Après beaucoup d'échecs de demande pour que l'ONU fasse des investigations au Congo. L'ONU l'a fait. Le rapport mapping. Bien que ce qui est dans ces rapports mapping, c'est juste les un tiers de la réalité congolaise. Nous avons dit oui, en attendant, nous acceptons ces un tiers de réalité congolaise. On ne se limite pas aux papiers. On n'a pas besoin de papiers. Nous, on a besoin de réparation. On a besoin de justice. Qui a fait quoi? L'ONU l'a démontré. Le Rwanda est impliqué. L'Ouganda est impliqué. Le Burundi est impliqué. Il y a des Congolais aussi impliqués. Mais dans ce type de problème, c'est là où nous devons tester notre nationalisme. On doit tester notre patriotisme. Ensemble, Demandons un tribunal spécial pour les Congos. Vous êtes juriste, il semblerait que le président du parti au pouvoir était le premier docteur en droit au Congo. Il semblerait que la tribu au pouvoir, parce qu'aujourd'hui au Congo, le pouvoir, c'est question des tribus. La tribu au pouvoir, c'est la tribu la plus instructive du Congo. C'est cette tribu qui nous a montré comment étudier, comment être civilisé. La civilisation, c'est la justice aussi. On ne reste pas dans l'état primitif. Vous êtes civilisé. Les rapports mapping concernent la justice. Et d'où vient ce séparatisme? Pourquoi ne voulez-vous pas vous joindre à ceux qui demandent que l'ONU crée un tribunal spécial pour les Congos? Parce que plus de 12 millions de morts, c'est plus qu'un pays. 48 viols par heure, c'est plus que la destruction d'une civilisation, la destruction d'une société. Les amis qui sont au pouvoir, vous ne savez pas que demain, vous allez retourner à l'opposition. Tant que Bokozon en opposition, Bokosenga justice, pour n'a plus de 12 millions de morts au Yakongo, Nayebi que oui, parce que Sony et Zalakaya binoté. Je suis Congolais, je suis né au Congo, j'ai grandi au Congo, je connais les comportements. Yaba tribi, Nabiso, je connais. Mensonge, ezali na aden na bino. Kowangana na aden na bino. Ba vidéo zotia là toujours. Donc, je disais que cet ambassadeur du Rwanda doit rentrer au Rwanda. Tozan a besoin de ba relation na Rwanda sikoti. Alors, les 4 de ce mois, il y a des organisations, des ONG au Congo, de défense des droits de l'homme, de défense de notre pays, qui demandent pacifiquement un sit-in devant l'ambassade du Rwanda. Et je demande à tout, il semblerait que Prof. Yomi Vision est devenu un parti politique. Je demande à tous membres de ce parti politique Prof. Yombi Vision, Oyo Bazali na Kinshasa, Bazala Liboso et ambassade à Rwanda, pacifiquement, démontrer l'indignation et ce que cet ambassadeur du Rwanda fait au Congo, personne ne peut le faire au Rwanda. Tokosepela mingi. Nazali kosenga na ba beau-frère nyonso bazali na Kinshasa. Bino nyonso na ba wewa. Liboso ya ambassade ya Rwanda. Défendre notre pays. Faire respecter notre pays. Et je demande à toute autre personne, étranger comme Congolais, à Kinshasa, de faire de même. Na kozonga information na bandaki liboso. J'avais donné une information na bato o bakotaki liboso que pour Nangaï, je considère une opposition à un régime, c'est une opposition civilisée, c'est une opposition sur pièce contre pièce, Mais hélas, nos amis qui sont au pouvoir, mes beaux-frères, nous opposent un régime, l'opposition, nous proposons, nous critiquons. Mais eux viennent avec mensonge, eux viennent avec destruction, eux viennent avec biceps, Makofi, Bibotu, Lokuta. Boyebike, Nicolas Zaliko, Lelo déjà, depuis hier, ba université ba cour ebandi esika totangisaka na mboka ya na mboka korena na ngambu ya Amerika ba cour ezali na ligne pona COVID cour ekozala sur place te okene na université moto na ordinateur na ye ozali kotangisa. Alors le temps wana kosalaka ba déplacement okene na université ou bien kozwa avion épargner biso ke tozala na temps moi mingi ya kosala ba recherche na kotangisa na ligne. Alors temps oyo etikali tomoni ke na façon na biso tozali ko vivre moi ba connaissance ya mibeko ya droit ezali mingi te. Alors cuisinier ya IDPS a komisi na université moko esika na tangisaka te université mosusu na ngambu ya Amerika kuna totanga mibeko totanga droit ezali te ke pot comme avocat de carrière to komisa ngo carrière na comme avocat te ezali juste connaissance. Tozalaka cultiver, il faut se cultiver. Alors, to komisi na oba bengi juris doctor, ezali formation na droit, ou ezali, donc na ndenge moko na niveau na biso maîtrise na droit, to komisi yango. Na lobi yango pona nini? Parce que boko mona mikolo ya, bandeko na biso ba milivor, boyebi ke ba lukaka toujours, eloko nini bako yiko detruire yo po, o kritike Félix te, o tika Félix Kimia. Bon, moni et loko, par exemple, il y a cuisinier. Parce que, baluki, mais mouto, tokoy ko bo mayen dengeni. Batindi ndeko na bango, milovoro avanda na Korea, ba neko sa l'ambassade à Corée. Tamboula na ba communauté africaine na Corée, ou luka, est-ce que, monsieur Yombi, azali na makangu te, poto salirie. Babenga, ça c'est vrai. Bango moko bat babenga ngaye. Voilà, moutou wana na ambassade na bino ya Congo, ba bengi biso batou na soka zaina makangu, ba kende ko zwa makangu wana, ba sala video, ba salir, monsieur Yombi. Baluki, ba monite, na peki saki batou te, boti ka bango ti yeswa so ko ya bako zwa moko te. Alors, baluki, ba monike, monsieur Oyo, beton. Beton, op, nza bango balo baka, beton. Alors, to sala ndenge nini? To luka mwa foto mo quelque part, zala. Alati bilamba lokola azo lamba to bombarder aza cuisinier sans le savoir que cuisinier eza mabete cuisinier na bamboka o to vandi ya poto cuisinier aza mutu pamba te hein? Parce que vie ya batu eza na maboko na yo okoki ko bebisa bato na minute bakufi et loko mususu bandeko na biso po bomona ke chef na bango kiyungu bango pe biyungu. Avant ya kokosa, il faut koyeba est-ce que na mboka oyo azali, on admet ba cuisinier ya bapaya. A fortiori, cuisinier ya mutu mwinda. Cuisinier na restaurant, o penza reconnu restaurant, bomo na mutu mwindu, Afrika, na mboka ya Korea. Wana Yesu deja siayi. So bomoni, c'est que Yesu akomi deja pembeni na zo ya makolo. Babosani ke na mboka ya Korea, ba centre, o eza lokola na Europe, na Amerika, ba centre ya ba réfugié balala akuna balambelaka bango ezalaka te na Corée ezalaka te ti lelo soki oyo obwaki ngunda kende luka ba camarade na yo soki bazali ovivre na bango kende kozwa ndako na yo vivre kende koluka mosala na kati ya mosala na yo bakopeso ndako po olalaka na Corée ba centre o ezali ba centre juste oye po ba ede yo na langue coréenne comment kobwaka ngunda bakopeso ba fiche bango basalingo na coréen yo lobi na anglais bien na français bango batyango na coréen pesi yo oke na immigration obwaki ngunda fini bandako eza te ke no baya ono aza cuisine alambelaka ba réfugié ba réfugié malambela na centre nini bopesa komba centre ezalaka te biyum do Moutou ou a trichaka, il faut d'abord mayele avant de tricher. Parce que vous savez, avant de tricher, il faut localiser les réponses des awabi. Bango ba yeka kiburi, lokola biyu, kiyungu, lokola ya chef na bango, non, aza cuisinier. Cuisinier pa yawabi. Na Kore, cuisinier moutou mwindo azalaka. Kore koutou kombo na balabala ya pamba, ou tomona na bamboka msusu na Amerika, na Europe. bapaya moto mwindo azokombola ba blower na bitse so babenga ba blower na kore bazala kate ya moto mwindo bazala kate moto mwindo na kore musala sala kana hygiene ke no musala public ya l'etat omona moto mwindo azokombola balabala moto mwindo kutemo paya azokombola balabala ezala ozwa nationalité na bango nationalité peut-être balande kona bango ou bien ozui yango osengi nationalité ba pesio bako pesa yo musala wana te. Nani oyo akenda na kore na batu nyoso bazali kolanda biso sikoyo nani akenda na kore amona na balabala ya kore mopaya asiatique ou bien asiatique mususu ou bien africain noir azokombola balabala ya kore nani atombola musapi soko tomboli musapi na mona kanga photo nango lakisangai lobby je vais me pendre nani o akenda na restaurant ndenge to voyageaka na bahotel omona restaurant na amerique na europe omona restaurant bato bazwaya koservir maître cook azali moto mwindu bozomona bazali nani atombola mosapi ke na kore asi amona moto mwindu na restaurant ya bongo na hotel azoservir azolamba kanga zwa video tindela ngai demain matin je me pend ezala ba fast food oyo ba McDonald's. Nani oyo akenda na Korea amona na McDonald's moto mwindo azo servir. Zwa video poste yango awa na kopesa date oyo na komepanga. Aza cuisinier alambela ka ba refugee e pa yapi. Er ba vérifier ba vérifier ba mon béton. Béton. Na ndenge ya black te bato ba seka béton. Alors, voilà pourquoi ndenge na lobby ke tozwe ke kolisa mayele. Totiki kotangisa te, mais temps libre comme bakour ezali na ligne, to komisi totanga droit constitutionnel. Toyeba mwa mibeko. To sangisa na mwa ndambo toza nango. Alors, na kati ya liste université batindeli biso, je vous signale que l'université ezali na Amérique, na États-Unis. Liste batindi ya ba collègues ba étudiants na programme wana na moni ba africains moi une dizaine ya ba africains et na kati kuna na moni Chimanga na moni Bilomba na bi peut-être na Sénégal pe ba Bilomba ba Chimanga bazalaka ou bien na Tanzanie ou bien wapi bon na bi keba awa miluvora koyiko zala. C'est pourquoi j'ai informé. Parce que ces gens-là, si réellement ils sont millevores, bako kiko zoyango, bako poste encore, ben, moutounabina lo baka azali, azali fose nzokande, azali étudiant. Bomiye belaka. Tout ça, le système, ya keba keba. Ah, en politique, on saisit des opportunités. Hein. Opportunités politiques, azali, très très intéressant. Très important. Alors, vous voyez que dans le cannabis, batouana bazali na rapidité moko na ndenga osakanate. Combien batikala na mutu na bango ke ah mutu wana azalaka cuisinier combien batikala nango na mutu. Batikala nango na mutu parce que il y a de nos frères oyo bakoyi ko vérifier information te. Era yoki yango atikala nango na mutu mbala moko. Alors yango na tebino na keba keba boye baka. Mais soki bakure zongi na lini sou te komi fizik, toko kata yango paske nazana tante na me deplase, na kene kuna po na kene kozwa bakure wana fizikman, nazana tante wana te. Mais tozali wana, eza po na karriere te, po na juste konesansi. Po mkono msusu bako yiko yako yebi sanga ke non, Félix Alongo liyo nationalité congolaise. C'est possible avec les minivores. Paske wambete bango mingi, mes beaux-frères peuvent demander à Félix signer ordonnance longola mutuana nationalité congolaise. Alors, il faut toyer les droits constitutionnels pour nous défendre un jour si Félix m'enlevait ses droits d'être citoyen congolais. Alors, je ne veux pas, peut-être, ceux qui n'ont pas d'avocat, n'ont pas d'avocat, n'ont pas d'avocat, n'ont pas d'avocat, n'ont pas d'avocat, n'ont pas d'avocat, n'ont pas d'avocat, n'ont pas d'avocat, n'ont pas d'avocat, n'ont pas d'avocat, donc, yombi a un problème dans la justice. Avocat qui a un problème. Comprenez la suite. Bah, condamné avant procès. Avocat, il y a beaucoup à ça va juger. Non, pour toi, là, déjà, vous condamné avant procès. Donc, voilà. R. Moko, il faut que ça en a connaissance. Hein. Même Tokomi Mikolo, Koyekola, ils en a acheté. À tout moment, Koyekola, à tout moment, pour la cause de la cultiver quand même. On ne demande pas que Toyekola ba cours Nyonso, mais ce que vous avez, il y a un temps vide. Surtout, dans le temps de la COVID, les gens sont restés à la maison pendant au moins 6 mois. Mais c'est rare ces Congolais qui en ont profité pour étudier à la maison. Aujourd'hui, étudier pouvait étudier à la maison, devenir docteur. Yomogonanda. Oui, Kotanga. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Batubazo se plaindra, COVID est ici, là. Nous, on veut saper, nous, on veut faire ceci. Tozobi Masute, ba fête des Asute, Mesjik Liban des Obeta Masute, COVID. Voilà donc pourquoi Tolinga est aussi signalé cette information, parce que Namoni qui est Nakati à salle, Nakati y a programme Oyo, Mamou Chimangazali, c'est une fille, une femme, et puis Bilomba Pe Azali. Alors, n'a évité ce qui Bazali, ba Milouvor ou pas, peut-être que ce sont des Sénégalais, tout est bien tout voilà, donc c'est ce qu'on voulait dire aujourd'hui. Tu as évité ce qui t'a aidé dans. Et là, on me souhaite couvrir Nanoté. Voilà. Aucune question ici pour nous. Et voilà. Donc, ne lâchez pas la prise, hein, ne lâchez pas, jusqu'à ce que les intrus valaires vont disparaître. Hein. Il faut tout le monde la bango. Parce que, et comme il virus, il y a un intrus valaire, pour nous, on a une minute. Donc, ce n'est pas seulement Kabila qui est un intrus valaire chez nous. Ce n'est pas seulement Félix. Bazali est bel et bien un intrus valaire. Alors, pour nous identifier, bango, et c'est un temps, et c'est la conscience qui a battu et s'est réveillée pour que tu comprennes que le pays nous appartient. On n'a pas d'autre pays. Personne n'a deux pays. Même si vous avez une nationalité étrangère, vous êtes toujours Congolais. Parce que dans ce pays-là où vous avez cette nationalité, on vous interpelle toujours. Vous êtes originaire de. Non, je suis Américain. Oui, je sais, vous êtes Américain, mais originaire de. Quand on vous demande originaire de, ça signifie vous n'êtes pas américain. On vous interpelle. On vous dit votre pays, c'est là d'où vous êtes venu. Ce n'est pas ici. Même si vous êtes devenu américain, français, belge, quelque part, il y a le droit des souches de ces gens-là. Bozanangote. Donc, il faut sauver notre pays, il faut protéger notre pays. On n'a pas d'autre pays B. Non, on n'a qu'un seul pays, les Congo. Alors, enfin, il y a. Et là, on a l'ingénieur Kobosana, dans le dans la vidéo et l'équipe. Il y a Bitumba entre le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Décentralisation, Azarias Rouberoua. Bazo Bunda, Bazo, est la nani moutouako dirigé recensement. Recensement, il y a population. Félix Natango Noumaki Azias Roubero, Ozalaki Kiyungu, au carré ou bien Ozalaki Ndengenini. Parce que Ayebaki que, na programme naye, à cause de la recensement de la population. Est-ce que Félix ne savait pas que ce recensement de la population sera fait par le ministère de décentralisation? Et ce ministère est chapeauté par Azarès Rouberoua. L'élu est quand même mieux dans mon gongo. Nananoumaki Rouberoua. Yo Félix, c'était. Voilà ici quand Azoeb Sabino Bandeko. Bachaka ki yungu na tête yambokate. Bachaka ki yungna était pour vous faire vivre. C'est sérieux. Et maintenant, Félix Azoyeba, Ndengeni na ko katalikambo te. Oko sala remaniement, oko change cahier de charge, parce que na cahier de charge ya ba ministre, ba ministère, recensement ezali na ministère ya décentralisation. Ezali na ministère ya intérieur te. Alors, lelo oye ko remarquer que ce qui to tiki recensement na Rouberoa, comprenez la suite. Voilà esika. Tozali kolobake, Félix Azali na conseiller mon côté. Félix Azali na conseiller mon côté. Parce qu'à cette époque, en nommant, avant de nommer, les dossiers sont là. Président, il faut avoir un cahier des charges, il y a un ministre, un ministère, il faut avoir un cahier des charges. Ministère Oyo. Moussala naye nini. Ministère Oyo. Moussala naye nini. Ministère Oyo. Moussala naye nini. Alors, le programme Nabiso, Tokozala, par exemple, na recensement na Mikolokoya. Recensement Oyo, il faut kota mwana mboka. Des souches, 100% mwana mboka. Attention, parce que ceux qui sont tchés, Moutou la Rouberoa, la ministre, il y a des centralisations, il y a une charge, il y a recensement. Alors, suite, boyebiango, avant d'en nommer, Nakoluka moyen, ceux qui sont recommandés par Kabila, Naïbsa Kabila, non, non, non, non. Ministère, il y a décentralisation. Ngai, IDPS, Moutou parce qu'il y a des plans na yo. Mais vous remarquez que Félix Ayaki n'a planté. Biloko il est venu comme ça, le Bungutulu vide. Maboko Pamba. Lelo, ce qu'il a fait, et Kangie na Mongongo. Recensement na Maboko, il y a Rouberoa. Okosalani, oko remanie gouvernement. Vous allez remanier le gouvernement. Ou vous allez changer les cahiers des charges de ce ministère pour que le recensement ait le ministère de la décentralisation et que le ministère de l'intérieur. Voilà esika bouzoba et bimisaka moutou zoba. Voilà esika bo mona ke moutou oyo n'est pas visionnaire. Il n'a pas anticipé. Il n'est pas venu avec un programme. Il est venu comme ça, bon tabac. Le collabat militaire n'a dit ce balobaka. Bon tabac. Le collabat moi n'a moqué bébé. Azalepe bébé solo. Parce qu'il a occupé le collabat bébé. Si vous tikami recensement na Rouberoa, vous avez un talat. Bolobi béton. Bolobi a salam salam malam. Bozali ba jaloux. Mais vous pouvez sa recensement na Rouberoa. Si vous avez nana no maquillé. Bisous à nos maquillés. Yo mouto nommé na ordonnance na tika asala recensement. Mawa mingi c'est regrettable. Tozali ko soutenir et loko ko soutenir te. Juste kaka po azali ndeko na yo. Juste azali mouto ya tribi na yo. Juste o sepela kana famille wana. O ignorer le niveau national. O ignorer ba conséquence nyonso juste yo lingi kaka mutu wana azala na ebonga wana alongwa te même azokoka te. Mais sachez que Félix ne restera pas éternel, Kabila ne sera pas éternel. Vous allez redevenir, ce que vous avez une opposition, il y a solo, vous allez redevenir une opposition. Alors, vous allez laisser Rouberoa faire le recensement. Et vous allez comprendre comment est-ce que Rouberoa va recruter ses frères rwandais, Baya Okota na Congo, bazwa nationalité congolaise. Et na tango, vous allez revenir à l'opposition. Bino na biso. Mbunzu na mbunzu. Loko na uti koloba, bino soni ezalaka ya bino te. Bino entre guillemets wanganage. Na moyi makasi sans rire. Milouvora koiko kosale loko siko zomo na ye yango ya simbi. Yangoyo makila na maboko miluvora ko wanga na yango soki o lobby o continue miluvora o baza tribalis oza ene o linko bomayi c'est ça le miluvora na yebisa bino histoire ya beau frère na ngai banoyisa ngai e pa na biso ba para ba la kistara biso soki mutu azo o lingi mutu na te betaye Na tango beti ye, batu ba ye po bakabula, polisa ye, yo moko banda ko lela. Yo moto beti ye, me banda ko lela po polisa mona ke yende moto a beti yo. Se fondamental. Hein? Bango nyoso ba yebi. E pa na bango kokosa ezali na makila. Bazali bandeko na biso. Pays eza biso nyoso. Nous sommes tous congolais. Mais comportement na bango ezali bien te. Comportement na bango ezali bien te. Nazo lo bela likambo na ba video nyoso. Mobutu azalaki na pouvoir totiko mona comportement bangala boyete. Kasavu bazala na pouvoir tomoni comportement ba ne Congo boyete. Laurent Désiré Kabila azalaki na pouvoir tomoni comportement boye na ba chwayilite. Batu bayaki na biloko wana se sont des Rwandais. Bayebaki plan na bango. Alors, voilà maintenant Eko Masiko yo Félix et komi les intouchables. Koloba koloba boyete. Kosala kosala boyete. Soki o kritike, soki o lobi, o moni mabe, o komi jalou, o komi tribaliste, o komi ene. Bango moko ba bourou bazo menase instabilité ya mboka, bango moko ba komi ba victime. Se victimise. Voilà donc ce qu'on avait à dire pour aujourd'hui, mes chers frères et sœurs. Merci mingi. Bo s'abonner na bandeko oyo bazali na Facebook, ba s'abonner na YouTube na bisote, kende na Prof Yombi Vision, s'abonner, cliquer notification, soki tozali na ligne bokomona biso, bokoyi kolanda biso directement ou bien après. Donc na remercier bino mingi mikolonio so ndenge bozolanda biso bozoyo ka biso, mais etikala kana koyoka te. Koyoka kosalela yango. Tozali ko senga violence te. Je ne demande pas aux gens de violenter batomususu. Toko répondre violence na violence te. Bien que les gens, les amis, Rwanda ezali violent na Congo. Bazali ko boma biso. Nous, on ne demande pas aux Congolais to kota na Rwanda to violenter bango. Non. Ba Rwandais et pas na biso. L'ambassadeur, lui-même, l'ambassadeur ya Rwanda, a lobi yango atanga na Lubumbashi. Atanga na bourse ya Congo. Atanga na Congo. Ce qu'il a dans sa tête, c'est le Congo. Mais talent dingue bazo remercier Congo. Donc ba paya o bazo ya na mboka na biso to zo pesa bango facilité opportunité nyonso ya vie mais bazo retourner biso kaka mabe. Jamal aye kaka boy Congo a juste 57 millions de dollars à pesié. Mais tala. Rwanda combien de Rwandais qui toti et qui au Congo na mbongo ya Congo na bourse ya Congo. Alors ce que nous demandons d'une façon pacifique Congolais n'y ont sur les quatre ou avant na Kinshasa, zwa wewa, zwa makolo, kende na ambassade ya Rwanda, la ki sa ke to sepeli na comportement na bangote, to zana besoin ya rapport, relation na Rwanda mikolo yote. Po na mikolo, justice salamina yote. On a besoin ya tribunal po na mapping. Na kata mapping, Rwanda zali identifié. Alors, na mikolo yo, ba vanda nanu, biso to vana nano justice et salami on va normaliser ba relation na biso alors ezali mabete je demande au mien de se manifester pour montrer cette indignation na gouvernement rwandais et abonnez-vous tozali bana mboka moko bien que ba milouvor bazoka tsaka toza mboka différent non on est congolais vous êtes milouvor hein nous sommes fumbavor. Ah, Barba Fumbavor, oui, Fumbavor. Nous nous sommes, moi je suis Fumbavor. Et vous êtes Milouvor. Ce qui est Balobi, nous allons à Fumba. Bon frère, nous allons à Loba, Longba Kuna Mouyaka, allons à Fumba. Pas de problème dans la vie. Pas de problème. Batunio se passe aussi. Mais Mekaka Loba, Longba Kuna Oliaka Milou. Mikorana ko beta yayananga. Lobi na tongo boliati. Bof nangai. Voilà. Merci, mes chers amis. To sepela mingi soto kutani boye. To kutani soso peut-être dans deux jours, peut-être. To kutani soso ce qui tend ezali. To soutenir bandeko na biso. Toujours bravo na ba live bandeko bazo salaka ebele ba Kerwin Maizo, Fabien Koswanika, Gino Will, Nikki Lamaserati, voilà. J'aime beaucoup cette jeune sœur. Hein. Je l'apprécie beaucoup parce que Tolingara toujours ba kim pa vita. Ba kola, parce que basinabiso, nous sommes dans une société dominée par les hommes. Et soit au moni bandeko nabiso ya basi bana nabiso basinabiso ba yaya nabiso bazali ko bimaboye sans foi. Na kenda ki na page na ye, je vis combien Milovor bazo menacé ye de viol. C'est dangereux ça. Et pourtant, notre sœur habite la France. Oyo pays des droits. Pays avec libre expression. Parce qu'il s'oppose na bababa na système de ya gouvernance, ya ba détournement. Des gens qui se disent biso to zali civilisé, biso to lexa bino classe, qui la menace de viol. Un Congolais qui menace une Congolaise de viol. Namboka oyo to zali ko souffrir makamba viol. C'est grave ça. Donc biso ba mususu il faut to soutenir bande ko na biso ya boye comme je disais Patrick Efondja, oui, c'est ça le nom, Patrick Efondja. De Yuyu, Mutumosi, Odombo, Bazali est belé, hein, et belé, moi, et tout, tant que combo na union, c'est exacté. Moi, j'encourage, courage na bango, courage na biso, et qu'encourager bango, qu'encourager biso, les alliés malam. Parce que mboka oeza critique, mboka oeza na opposition, eza mabe. Wana dictature penza nord-coréenne yawana. Alors, bandeko ya boye, il faut protéger bango, surtout basi. Il faut protéger bango. Bato lokola ba yuyu moto mosi, ba menace o ya zwa banda kala na ebite. Hein? Nalo ba toujours azana ba nerf solide. Sinon, ce sont des gens oyo eza pasi. Bandeko mususu o na ye komo na découvrir juste après. Elle s'appelle comme Colette. Elle habiterait la Suisse. Hein? Colette Nzinga. Diamant noir et Espérance Moutoukou, je pense, en Allemagne, oui, je pense. Voilà. Donc, vous avez bien dit, tout ça, la émission Mobimate, que c'est un peu comme ça. Mais, en tout cas, ce sont de frères et sœurs qu'il faut soutenir. Dans ma prière, soutien moral, les amalamo, et soutien physique aussi, les amalamo. Parce que, les amalamo, ça, la kamoussalate. Nous avons besoin de nous information pour payer sa biso. Les lopes que vous vendez à Boye, moi 5 euros, moi 5 dollars, nous avons besoin de bière, nous avons besoin de la bière, nous la maille. Ok, nous avons besoin de site, nous avons besoin de référence. Nous avons les 5 dollars. Peut-être que nous avons rien, mais pour nous et pour aider à son bata micro. Biso, nous, on travaille. Nous avons les alliés. Na koyi kolongola moi quelque chose ya carburant na robile yo na romata voiture tin na romata bis toute une semaine na romata bis mbongo ya carburant une semaine ya carburant na koyi kosomba micro na koyi kosomba loko po na se na communiquer na bino mais il y a de ses frères et sœurs mususu peut-être basala kati alors pour soutenir bango na faso wana ezali mabete au lieu zo mbongo wana koniko pesa pasteur ya ko côté ya batouté pour baluka droit na bango ba se manifester contre injustice pasteur ko sala ngote pasteur ko sa yo pesa ngai dim pesa ngai kabela nzambe ye na sima zo soutenir ba bureau oyo bazonyo ko na biso alors mbongo na so zui o pesi bandeko oyo bazo sala éveil patriotique pour ndeko zoa somba micro ndeko zoa somba ta nineti ndeko zoa somba ata moi eloko déplacer pour que nous reçoivent information. Ma baise à wapi. Voilà. Donc, c'est ça. Pour aller l'eau. Nazo zelana mona, combien bazo partage, nazo monate. Nazo zelana mona, combien ba s'abonner, nazo monate. Oyo, ba membre ya prof yombi vision andegenin. Est-ce que bozo yba ke komi partage? Est-ce que vous voyez bien qu'il y a un parti politique? Hein? Bande comme sous vie na bande zali en danger parce que bazana Australie kuna ba bwa kingunda parce que bazali batu ya parti prof yombi vision. Et ça va partir mon Congo kala loba soyi bo sakani na ko sangisa ma patana ma belé na sangisa bo finana. Bolingi yango batu nyoso na église ta tantôt to kolondo to kolo pardon ko sala bo été. Bon, se reconnaître, vous voyez, bien, parce que à coup, je pense. À Siliki, tu vas opérer sa sous-mingité dans l'église. À Siliki, Moussa l'église, c'est au temple de l'Andengenini. Ce qui est beau, Sakani, n'a pas sangi ça, ma patana, ma belle, n'a sangi ça. Et tata, tata, dodo colon, tata, n'a tiki banana, n'a pas sangi ça. Molimo et Kitty, tu vas télémiter, tu vas faire ma bonne. Parce que pasteur a menacé à Rosanissa, ma pata, na ma belle à 5. Botala kaka, ma pata, na ma belle et sangani. To finani penzate, poussière. Voilà, juste pour se détendre. Mais c'est vrai, hein, ce pasteur l'a dit, c'est vrai. Église, ou anezali na sayo, na kasavubu. Pasteur a wakoufa na ling, na kolobate, na boi nanga, bande kwa na pe er, moko bazala ka moa violence, o lobeli pasteur na bango. Na boi nangai. Bahati Rama na boi wana eza songi songo zoto na nani wana na boi na olobate na lingite bato ba, koto ba milivor bazo luka ngayi ba avion ndenge to lobi boi ba avion ya kabe ya kamwanga Air Force eza komata wapi yombi to luka ye wapi to zo ye wapi botala koto asali nini totala koto eloko nini tokoyi ko atake na boi na yako bakisa susu mutu msusu groupe mususu po groupe wana baza ba congolais bango pe bazali ko souffrir mais bango po na pasteur na bango ko meka te mekiko soko meki attaque voilà merci tozo ka wana boka bola vidéo bo s'abonner bandeko bazali na Facebook bo ke na YouTube bo s'abonner comme ça Tokabani. Et Tatu Mangombe, Naboy. Tatu Mangombe, yo, je pense que vous allez qui wana. Je pense que vous allez qui wana. Il a dit, hein, c'est vrai. Il a dit. Il a dit. Alors, qui encore? C'est bon, ça, quand il y a ma belle, ma pata. Parce que ma bonze, kota ki mingite. Yo, kota sou mingite. Ba, pe si y a rapport, y a compte. Les autres côtés, mais tu as siliki ma bé, n'a pas sangi sa ma patana ma belé. Beaucoup fa. Tokou fa bisonios. Alors, batou ba singa ki ma pardon mingi. Pardon, dodo kolotata. C'est comme pe, ba gourou moussou sur le col et tu sais que tu as mon lumba. Il faut un dima, as premier docteur na doua. So boy, kabeka mwanga Air Force. Et pourtant, pour ma camarotanga, bon, tous ont continué, tous aussi ici, hein? Juste moi, information, monsieur Samike. Pour ma camarotanga, na Congo, bah, né Congo, bah, t'as les bossos, bah, tu batanga. Bambuta Kanza, bah, né Congo, bah, t'as les bossos. Parce que, bah, missionnaire, Erbayaki, bah, kotaki na ba Congo. Et si ka ba tchaka ba séminaire, et si ka ba tchaka ba école, au moment où biso, na bandundu kuna musika, na kasai, to zalaki nan na bazamba, ma kambo école, zalaki te. Ba ne Congo, ba tu ba kotaki d'abord. Classe. Mais le lo kaka boye, boye bi bande kona na biso, ba koyi ko changer, ma kambo kaka boye, sans rire. Le lo est comme non, et ça, ba kasaye, ba tu ba banda kotanga. Bandeko, ba missionnaire, ba kota ina ba Congo, ba kota Nagasaki, ba kota la kiwapi. Nagasaki, ba kota la kiwapi, ba sala ba école, bino bo banda kotanga ba toliboso. Ata ba kosa ka bato quand même, chef. Chef, ata ba kosa ka bato. Il faut ndi ma Tshisekedi le premier docteur na droit. Totikali komona ta phrase te, thèse te, et si kape ake koloba même na université, bo sentir que non, oyo peza docteur na droit. Tout le monde n'a pas sauté. Il faut qu'on dise, si on dit, Bibotou. Voilà. Merci. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci et on va terminer en commentaire.